Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Les pièges de l'avenir ». Une question. Est-ce que c'est la tienne ou la mienne? La télépathie involontaire? Non. Est-ce que c'est ta femme qui a piqué la lampe? Non. Ça rentre pas dans sa sacoche. Quand ils vont dans les hôtels, les autres? Mais un des pièges de l'avenir, je pense, c'est la télépathie involontaire. On arrive avec le même habit, pas vrai? C'est toi qui as copié. Je sais pas, à quelle heure tu t'habilles? Après toi. Mais ça, c'est pas une raison. Dans les pièges de l'avenir, il y a deux thèmes que j'allais dire que j'aimerais qu'on aborde, mais pas que j'aimerais. Les thèmes, on aimerait ça aussi. Qu'on va aborder si on t'aime ça. C'est ça. Il y a l'individualisation, qui pourrait être un piège, et la conscience du libre arbitre. Mm-hmm. On commence par lequel? Aucun des deux. Pose-moi pas des questions comme ça. Ça, c'est le genre de questions que je peux pas répondre. Ouais, c'est trop simple. C'est pour ça que j'ai répondu. La conscientisation de l'individualisation. Si on est de plus en plus conscient qu'on s'en va vers une individualisation, qu'est-ce que ça peut provoquer comme piège dans l'avenir? Ben, la première chose, ça serait de savoir ce qu'est l'avenir. Si on parle de l'avenir, on va nécessairement devoir parler du temps, donc aussi du passé et du présent. Quand on parle de conscientisation ou quand on parle d'individualisation, nécessairement, on parle d'une démarche particulière qui s'adresse surtout à l'humain. Et normalement, les plans d'avenir sont prévus pour les collectivités, c'est-à-dire que chaque Québécois ne pense pas trop à son avenir en tant que peuple. Ça sera la collectivité, le peuple québécois qui devra penser. Et quand le peuple québécois aura déterminé quel peut être son avenir, chaque individu aura une plus grande facilité individuellement déterminer quel sera le sien. C'est-à-dire que toi, tu décides que ton avenir à toi, ça va être un avenir de paix, alors que l'humanité sur ta planète se prépare à faire une guerre. Il y a des chances que tu aies certains problèmes. Bon. Lequel des deux qui est le précurseur de l'autre? C'est la collectivité qui décide d'un avenir, puis c'est l'individualité qui embarque ensuite dans... Ça dépend de l'individu, ça dépend de la collectivité. Une collectivité, c'est un groupe d'individus. Dans le terme planétaire actuel du mot, la collectivité veut dire groupe d'individus reliés ensemble dans leur conscience. Alors qu'on peut aussi avoir un groupe d'individus qui seront aussi une collectivité dans le sens, disons, légal du terme, et qui seront un groupe d'individus qui partagent les mêmes aspirations, ou qui partagent le même travail, ou qui partagent le même territoire, ou qui partagent le même temps. Mais ceux-là n'ont pas de conscience psychologique collective. L'individu, lui, peut être une personne dans une conscience collective et c'est un élément de la conscience collective. Alors, il y a beaucoup d'individus au Québec qui ne pensent qu'en fonction de la collectivité. Ils suivent la mode, toutes les modes, ou une partie des modes. Et on peut avoir aussi un individu qui, lui, a une conscience individuelle. Alors, lui, il peut être dans un groupe, il peut habiter, donc, un territoire investi d'une conscience collective, sauf que la sienne reste individuelle. Et quand on parle de l'avenir, il y a deux sortes d'avenir totalement différents. Ben, il y a le bon et le mauvais. Hein? Bon, c'est une bonne chose. Bon. Il y a deux sortes d'avenir. Il y a celui de la conscience collective et il y a celui de l'individu. L'individu dans le sens, celui qui n'est pas assujetti à la conscience collective. Et non pas l'individu dans le sens, celui qui dépend de l'avenir de la conscience collective. Quand l'Allemagne est entrée en guerre, ben, les Allemands sont rentrés en guerre. Et quand l'Allemagne a investi un pays, ben, ces pays-là devaient se battre. Que les personnes le veulent, que les personnes ne le veulent pas, c'était comme ça. Parce que les individus étaient nationalistes, parce que les individus étaient théologiquement reliés ensemble, parce que les individus faisaient partie d'une vue d'ensemble collective de l'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avenir? Qu'est-ce que c'est que le passé? Qu'est-ce que c'est que le présent? C'est déjà une bonne chose. Puis qu'est-ce qui vient foutre l'humain à travers tout ça? C'est aussi une bonne question. Parce que les pièges de l'avenir, de prime abord, tu vas me répéter tout au long de la conférence, oui, mais ici, on n'a pas de barbite. Donc, s'il y a des pièges, à quoi ça nous sert de savoir qu'il y a un piège là, si on est de toute façon manipulé à tomber dedans? Hein? Il y a des personnes qui connaissent certains pièges de l'actuel présent. Prendre de la boisson, ça a des pièges. Ils prennent, ils boivent quand même. Bon, prendre de la drogue, ça a des pièges. Ça se drogue quand même. Fumer, c'est plein de pièges. Ça fume quand même. Trop manger, plein de pièges. Ça mange trop quand même. Bon. Alors, donc, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a la vision des pièges, la connaissance des pièges, et ça ne fait pas que l'humain va pouvoir éviter les pièges. Ça fait que l'humain va pouvoir se culpabiliser de tomber dans les pièges. Mais il y a plus de chances de les éviter, il y a plus de probabilité de les éviter si on en est conscient. Non. Pas si l'humain est investi d'une conscience collective, il n'y a pas plus de chances de les éviter. Sauf si de la conscience collective dans laquelle il embarque est une conscience collective qui veut à tout prix fuir un piège. On peut prendre l'exemple de l'alcool, puis l'exemple des alcooliques anonymes. Deux consciences collectives. Tu peux aller boire à la source d'une religion, d'une forme de chrétienté, d'une spiritualité, ou tu peux simplement boire à la source d'une bouteille. Bon, sauf qu'il y a des pièges dans les deux côtés. Il y a des pièges qui sont beaucoup plus pénibles et dangereux, du moins inécologiques pour l'humain, du côté de la boisson. Mais n'empêche que ce n'est pas une question de dire « j'ai plus de chances d'eux », on n'a pas plus de chances d'eux. Si on a une conscience collective. Si on a une conscience individuelle, toutes les choses vont changer. Tout change de A à Z. Sauf que l'humain, s'il commence à développer une conscience individuelle, en même temps, dans ce qui lui reste de conscience collective, ça lui dit « écoute, tu sais, t'es tellement petit, tellement microscopique, c'est pas parce que subitement tu te prends pour machin chouette que ça va changer grand-chose. » C'est pas parce que tu jettes pas ton Kleenex par la fenêtre de l'automobile que ça va dépolluer la planète. Sauf qu'effectivement, ça change tout. Mais ça ne changera pas tout pour la collectivité. Autrement dit, ça ne changera pas tout pour la planète, mais ça va tout changer pour votre avenir. Individuel? Oui, mais pas celui de la planète. Mais ça va aussi changer microscopiquement, peut-être, celui de la planète, mais ça le change. Oui, l'effet papillon. Si j'arrête de polluer, ben je pollue pas. Donc, ça fait un élément pollueur de moins. Oui. Mais ça ne change pas la marche de l'avenir. C'est comme, par exemple, on va se battre, on est 300 000 soldats, il y en a 4 qui tombent en chemin, on va encore se battre, ça n'a rien changé. Il y a 4 soldats de moins, donc ça a changé quelque chose. Mais du point de vue du vecteur, du mouvement, de l'avenir qui était, disons, déterminé, ça n'a pas changé grand-chose. C'est un effet négligeable. Sur très négligeable. Et on doit encore, si on revient encore à l'avenir, je fais souvent la petite farce comme quoi l'humain, je dis que l'humain n'a pas de libre-arbitre, absolument pas de libre-arbitre. Il n'y a personne ce soir qui a décidé qu'il venait ici ou qu'il venait pas ici, ni toi, ni moi, ni personne qui sont ici, ni les gens qui travaillent, ni les gens qui sont dehors. Sauf que quand je dis cela, la majorité des personnes, ils sont un petit peu frustrés, ça ne va pas, mais ils n'ont pas le choix. Ceux qui sont frustrés, ils sont manipulés à être frustrés, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas décidé, tiens, je vais être frustré 5 minutes, ils sont frustrés, pas le choix. Bon. Sauf que l'humain n'aime pas ça que je dis ça, et l'humain vient quand même, veut entendre parler de l'avenir. Alors, si on veut entendre parler de l'avenir, c'est que l'avenir est déterminé. Et si l'avenir est déterminé, c'est qu'on a, de toute façon, on n'aura pas le choix. Et encore une fois, je dis que les personnes, souvent, ils me disent « Non, moi, j'ai un libre-arbitre total. C'est moi qui décide que je vais me faire tirer aux cartes. » Oui, mais si tu te fais tirer aux cartes, les cartes, ils vont te dire ton avenir, donc tu n'as pas de choix, tu n'as pas de libre-arbitre. Donc, on aurait pu prévoir aux cartes que tu étais pour aller te faire tirer aux cartes. Parce que tu n'as pas de libre-arbitre. Sinon, tu es un imbécile. Va pas te faire tirer aux cartes si tu penses que tu as un libre-arbitre. Okay. À quoi ça me sert d'aller me faire tirer ma carte du ciel, sachant que de toute façon, ce qu'il y a dedans, il faut parce que j'ai un libre-arbitre. Je peux le modifier à volonté. Oui, mais si tu es sûr que, justement, tu as un libre-arbitre, que tu peux modifier tout ça à volonté, pourquoi tu te fais tirer pourquoi tu te fais faire ta carte du ciel? Parce que tu n'as pas de libre-arbitre. On te manipule à la faire. Même si tu t'imagines à penser que. Alors, c'est très important de comprendre l'idée. L'humain a, effectivement, l'humain est dans un vecteur d'évolution, dans un chemin bien paramétré. Hein? Il y a des murs chaque côté. Il y a un mur en haut, il y a un mur en bas et il y a un mur en arrière. Il nous pousse. Bon. On ne peut pas retourner en arrière, puis en avant, on dégringole plus ou moins vers l'avant. Là. L'être humain fonctionne très souvent comme fonctionnaient les troupeaux de bisons. Les Indiens ici, qui ne connaissaient rien à l'écologie, ils ne polluaient pas, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils mettaient le feu, par exemple, à la forêt, ou encore ils s'arrangeaient du moins pour que des troupeaux complets de bisons, entre autres, se dirigent vers un précipice, hein, puis là, ils tombent tous là-dedans. Ça, c'est comme ça que l'humain fonctionne, c'est-à-dire que ceux qui arrivent en avant du précipice, ils savent. Il y a un problème? C'est un savoir qui est collectif. Donc, le troupeau ne va cesser d'aller vers l'apocalypse quand le troupeau au complet va savoir. Mais les individus, les bisons qui arrivent en arrière, eux, ils ont peur des Indiens. Puis ils ne savent pas ce que ceux d'en avant savent. Alors, ils rentrent dans l'eau et ils poussent. Alors, ce qui arrive, tous ceux qui savent tombent. Ça tombe. Puis là, les 20 derniers sur les 100 000 bisons qui arrivent en dernier, hein, les derniers seront les premiers, eux savent, mais eux, ils partent. Ils se poussent ailleurs. Bon. Et en bas, tu vas chez le boucher, tu vas chercher ce qu'il y a en bas. On serait mieux d'être dernier. On est toujours mieux. De toute façon, tu te fais pousser vers le précipice. Oui, sauf que tu te fais pousser par ta collectivité. Le bison a une conscience collective. Et c'est ça qui le mène à sa mort. L'humain a aussi une conscience collective. C'est ce qui va faire en sorte que si la nation décide que tuer quelqu'un, c'est un meurtre, tu ne tues pas. Si la nation décide que tuer 300 000 personnes, c'est plus un meurtre, c'est une guerre, tu vas tuer, puis tu te sens bien, tu dors bien. Elle sait que si tu tues quelqu'un, tu te sens mal, mais en temps de guerre, si tu ne tues pas quelqu'un, tu peux t'en sentir aussi coupable. Donc, toi, là-dedans, tu ne fais aucun choix, tu n'as rien à faire. Autrement dit, ta vie ne te regarde pas, finalement. Si on décide que la drogue, c'est bon, on en prend. Si on décide que c'est plus bon, on n'en prend plus. Bon, pendant longtemps, c'était extrêmement génial de fumer. De moins en moins, c'est génial. C'est une question de conscience collective. Alors, pendant longtemps, c'était viril de battre sa femme. À un moment donné, ça devient animal de battre sa femme. Pendant longtemps, c'était bien vu d'avoir un cœur gros comme la maison. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde a ambitionné, puis tu n'as jamais eu de vie, tu n'as jamais eu de bonheur, parce que tu n'as jamais été capable de dire non. Et il y a souvent une question de mode. Bon, les personnes sont grosses, grosses, alors on veut les faire maigrir, bon, on leur dit que c'est la mode. Ils vont pas nier plus. Ben non, on vend uniquement des vêtements sportifs qu'ils peuvent pas mettre. Ben là, ils maigrissent. L'homme avance comme un troupeau, c'est-à-dire qu'il a une conscience collective, ce qui fait que si quelqu'un a une cloche quelque part, ben, ils suivent. Ils se demandent pas. Parce que s'ils vont tout là à la vitesse qu'ils vont là, ils doivent savoir où ils vont. Et c'est, comme je dis souvent, c'est que l'humanité, c'est un grand cercle. Chaque personne suit l'autre en avant. Puis chacun se dit, écoute, regarde la file de monde. Ils doivent savoir où ils vont. Ben, les autres, là, ils sont dans ton dos, puis ils te suivent. Puis tout est suivi. Fait que tout le monde tourne en rond, puis tout le monde se suit, puis tout le monde est sûr que l'autre sait ce qu'il va. Mais là, il me semble qu'on assiste à une individualisation. Il est mort, lui. Plus grande, il me semble, moi, il est mort. Non, on assiste. On assiste aussi. Nous assistons à une individualisation plus grande. Il y avait dans le journal, il n'y a pas longtemps, un article qui disait qu'il y a 85 000 électeurs de moins à Montréal. Les gens ne veulent plus voter. Ils sont désintéressés de la politique. Ils sont désintéressés de ce qui est un mouvement de groupe, la politique, finalement. Fait qu'on se dit, ben, de toute façon, on ne dirige pas, on ne dirige rien, on décide de rien. On est collectif. On ne veut pas être collectif, on veut être individuel, puis je vote pas. C'est le problème. Est-ce que c'est un piège ou c'est pas un piège? C'est un piège. C'est un piège d'évolution. C'est pas un piège de l'avenir. Pourquoi c'est un piège d'évolution? En ce sens que l'humain lutte quand c'est pas le temps. Puis quand c'est le temps, il y en aura le bol, il t'écœurera, il lutte plus. Et c'est là que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si personne va voter, par exemple, mettons qu'on aurait au Canada, hein, personne vote. Bien, ceux qui se ramassent là, bien, les autres, c'est comme les syndicats. C'est comme quand j'étais à l'école, moi, il y avait un vote pour est-ce qu'on faisait une grève ou pas. Personne n'allait voter, sauf ceux qui voulaient la grève. Fait qu'à 82 % des votes étaient pour la grève. Sur 6 000 élèves, 200 étaient présents, par exemple. Fait que tout le monde, personne ne voulait la grève, mais on était tous en grève, parce que le vote avait dit qu'on allait vers la grève. Mais là, l'individualité taxe ceux qui sont individuels. C'est eux autres qui se ramassent avec la grève. Exact. Ce qui va arriver, c'est que le petit noyau de collectif étant beaucoup plus puissant que le gros groupe d'individus non associés. Ça, c'est important. La majorité de ceux qui évoluent vers une conscientisation, un épanouissement de leur évolution supramentale, une centricité dans leur intelligence, donc ceux qui finissent par avoir leur propre opinion, qui ne veulent pas celle des autres, ils peuvent accepter, tolérer ou reconnaître l'opinion de quelqu'un. Mais c'est pas parce que vous êtes 2000 à penser une chose que je change. Si vous êtes un à avoir raison, je change, parce que je le vois. C'est autre chose. C'est pas une opiniocratie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu qui vit, lui, s'il n'est pas capable de s'associer, bien qu'il soit plus nombreux à un moment donné que la petite minorité de collectif, ben c'est eux qui vont l'emporter. Ce qui fait que si, à un moment donné, on aurait au Canada un gouvernement totalement militaire qui prendrait le pouvoir par élection, ben on rentrerait en guerre contre n'importe qui. Parce que le Canada l'aurait voulu. Qui? Personne. Mais personne n'est allé voter. Les pièges de l'avenir, c'est autre chose. Ce qu'il faut comprendre, juste premièrement, on va faire une élaboration d'une chose, d'une vision tout à fait neuve des mécaniques du temps, de l'avenir, du passé et du présent. Bon, avoir une machine à hologramme, ça faciliterait les choses. Alors, on pourra refaire la conférence dans 22 ans. Mais en attendant, on va y aller avec les paroles. Qu'est-ce que c'est que le temps? Premièrement, il y a une définition astrophysique qui dit que le temps est une quantité d'espace, puis que l'espace est une quantité de temps. Ça veut dire que les deux n'existent pas. Bon, chose qui existe décrite par quelque chose d'autre qui ne peut exister que par la première. Les deux s'annulent, ça n'existe pas. Astrophysiquement, on est de plus en plus conscient que le temps est une lubie. C'est-à-dire que c'est un espoir humain, c'est aussi une illusion totale. Ça fait partie de l'illusion cosmique. Le passé n'existe que dans le présent. Alors, quand on se rappelle des souvenirs du passé, ces souvenirs-là, on s'en rappelle dans l'instantané, c'est dans le présent. Si on regarde un film qui était pris là 20 ans, le film est présent. On ne peut pas prouver que les images dessus ont déjà existé. Alors, on peut dire, ben oui, écoute, je m'en rappelle. Vous ne pouvez pas prouver que ce qui est dans votre mémoire a réellement existé. Alors, on va dire, ben écoute, on est 5 à s'en rappeler. Ça veut rien dire. Alors ça, c'est une chose qui est fondamentale, c'est que l'être humain se rappelle, l'être humain regarde des choses, l'être humain croit en son passé, mais il n'y a pas un être humain qui peut prouver que le passé existait. Il n'y en a pas un. Alors quelqu'un va dire, ben écoute, il y a des os de brontosaures qu'on vient de trouver, ou des os de protocératops. Ben, ça prouve qu'il y a eu des dinosaures. Ça prouve qu'il y a des os aujourd'hui. Tu ne peux pas dire qu'il y a eu des dinosaures. Et quelqu'un va dire, ben écoute, ça n'a pas de sens. Bon, alors à un moment donné, on va prendre un télescope, on va l'envoyer dans l'espace, comme on a fait dernièrement avec une navette. Et ce télescope-là, lui, sa fonction, c'est d'observer dans l'espace le plus loin possible. Pourquoi? Parce que le temps dans notre univers, dans cet petit univers, le temps est limité à une courbure géospatiale et le temps voyage à la vitesse de la lumière. Cela veut dire que si on est capable de regarder à 2 millions d'années-lumière de distance, ce que l'on voit, c'est ce qui se passait il y a 2 millions d'années. Et c'est pourquoi les astrophysiciens ont tout fait mettre un gros télescope en orbite. C'est pour voir loin et, si possible, voir très près de la création de l'univers. Donc, 15 milliards d'années-lumière de distance donnera 15 milliards d'années dans le temps. Sauf qu'eux sont très conscients que ce qu'ils vont voir, c'est le passé actuel. Hein? Ils le voient actuellement. Ils sont conscients de ça. C'est une mémoire photonique qui se promène, mais ils le savent. Autrement dit, si nous, on s'en va sur une planète qui est espacée de 2000 années-lumière d'ici, et on prend un télescope et qu'on regarde la Terre, eh bien, la lumière qui arrive à notre télescope, elle a été émise là 2000 ans. Ils vont aller plus vite que la lumière avec le télescope? Disons qu'ils arrivent là. Alors, si on regarde, eh bien, ce que l'on va voir, ben, c'est l'époque du Christ. Et avec un télescope très puissant, on va voir l'époque du Christ. Et là, on va dire, je vois le passé. Regarde ton heure, regarde aujourd'hui, c'est actuellement que ça se passe sur la Terre. Mais si tu prends un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière et que tu t'en vas sur la Terre à vérifier si ça se passe, ça va te prendre 2000 ans pour arriver, ben tu vas arriver aujourd'hui. Et là, tu vas dire, regarde, c'est donc le passé qu'on a vu. C'est comme si aujourd'hui, on regarde une étoile qui est disparue il y a déjà longtemps. Ben, l'étoile qui est à 4 millions d'années-lumière, ça peut faire 3 millions d'années-lumière qui n'existe plus. Puis on va l'avoir éclaté dans 1 million d'années. Sauf que tout ce que nous voyons comme passé et tout ce que nous voyons, même chez nous. Parce que quand vous vous rappelez votre jeunesse, avez-vous une preuve que vous avez vécu ça? Ah, ben j'ai des photos. Ça, c'est des photos dont c'est même pas... Ça vous ressemble pas trop. Les mensurations sont pas bonnes. Mais surtout, ça prouve uniquement qu'il y a une photo dans le présent. Ça prouve pas que vous avez été ça dans le passé. Et ça, il faut qu'on comprenne bien la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui sont manipulables, c'est-à-dire que le passé, c'est une frime totale. Le passé, c'est quelque chose qui n'existe pas, de par définition. Quelqu'un qui voyage dans le temps, voyage dans le présent, dans une autre vision des choses. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut changer notre passé comme on pourra changer notre avenir. Et c'est pourquoi, là, on va expliquer ça pour comprendre les pièges de l'avenir. Quand on se rappelle quoi que ce soit, bon, apparemment, qu'hier, il y a eu un léger tremblement de terre. Il y a eu un pet tellurique au Québec. Bon. Prouvez-le. Ce n'est pas prouvable. Scientifiquement, ce n'est pas prouvable. L'humain va dire, oui, c'est prouvable, on a des relevés de séismographes. Ça a été pris, gars, la date et puis l'heure écrit dessus. Tout ça fait partie du présent. Et la science se base, l'astrophysique commence à se baser un peu moins là-dessus, la science est toujours basée sur le temps pour considérer réel une chose. Exactement comme Newton se basait sur la gravité, hein, l'attraction planétaire, pour établir des lois. Et on sait aujourd'hui que toutes ces lois-là sont totalement fausses, mais opérationnelles tant que tu restes à la planète Terre. Ça va. Un exemple, il faut une force pour déplacer un objet. J'ai besoin d'une force, j'applique une force, je déplace le verre. Si je cesse d'appliquer la force, le verre cesse de bouger. Alors que maintenant, on sait très bien que si j'applique une force, le verre bouge. Et si je cesse d'appliquer une force, il va bouger éternellement. On le sait, dans l'espace, quand on lance un objet, il n'arrête plus. Pourquoi sur la Terre, il arrête? Parce qu'il y a une autre force, l'inertie, puis il y a une autre force, la gravité, qui l'arrête. Donc, parce qu'il y a deux forces qui tentent à le fixer là, je dois appliquer une troisième force. Mais Newton, lui, dit que quand on arrête d'appliquer une force, les choses s'immobilisent. C'est totalement faux. Quand on applique une force, on change son vecteur. C'est tout. Puis comme la Terre applique des forces, ça va fixer un mouvement, ça va fixer une chose là. Pour avancer, vous poussez un meuble, c'est dur à pousser. Quand il décolle, il est plus facile. L'inertie et la gravité. Du moment qu'il décolle, l'inertie vient d'être éliminée, il reste la gravité, on pousse moins fort, mais on pousse quand même. Mais si on serait dans l'espace, c'est bon, facile. On doit comprendre que la science et toute la psychologie, tout ce qui englobe les sciences, les théologiques comme cartésiennes, les sciences de l'humain, sont basées sur un point fondamental, la fixité, la véracité du temps. Et on sait de plus en plus en astrophysique, mais on le sait depuis longtemps dans d'autres domaines, des domaines qui ne sont pas tout à fait des domaines apocryphes, qui ont été refusés et rejetés, que le temps est une illusion. Et là, quand on parle de l'avenir, il faut donc penser à certaines choses. Et il faut faire, on va juste comprendre des petites choses. Parce que les lois de Newton, dans le contexte terrestre, s'appliquent, mais du moment qu'on s'éloigne dans l'espace, ça ne s'applique plus, on peut les appliquer dans le contexte planétaire, ça va. La majorité des étoiles qu'on voit dans le ciel n'existent plus. Ça fait longtemps que c'est prouvé. Sauf que leur image est là. Et on peut prendre la position de leur image pour trouver notre position sur la Terre. Ça fonctionne. Mais sachant qu'on joue avec de l'illusion. Mais l'illusion est applicable ici. Mais partez pas en voyage vers telle étoile. Parce que là, vous risquez d'arriver là-bas parce que c'est plus là. Bon. C'est-à-dire que le temps au niveau planétaire, c'est la même chose. Ça peut être astrophysiquement une illusion, mais c'est quand même pratique et applicable. Il va être fonctionnel, c'est ça. Et c'est ce que j'ai expliqué, parce que les pièges de l'avenir, il y aura un avenir. Il y a donc un passé. Pas comme on le pense. On peut jouer avec des choses. Je prends un autre exemple. Si vous êtes dans un jeu à la ronde, hein, vous vous asseyez dans un gugus avec un grand bras, et puis là, ça se met à tourner à une vitesse intéressante, puis là, ça tourne, ça crée une centrifugation, ça veut dire que votre sang s'en va tout, puis vous avec, d'ailleurs, sur un côté. Puis là, ben là, vous dites, hey, j'ai payé pour ça. Puis là, vous attendez que ça finisse. Puis là, vous vous retenez. Puis là, vous avez hâte, ça arrête. Quand on tourne sans cesse en cercle, on a effectivement un effet de centrifuge, c'est-à-dire qu'on est accolé sur un côté. Savez-vous comment vous pouvez tourner sans cesse en étant totalement relax, sans vous sentir à côté sur absolument rien? Ben, c'est facile. Tourner autour d'une planète. Quand les astronautes sont en orbite autour de la planète Terre, ils tournent vite en maudit, hein, parce qu'ils en font des orbites en une journée. Et à l'intérieur, ils flottent. Ils sont pas à côté sur le bord de la navette et ils attendent qu'on les ramène à Terre. Engagez-vous, qui disait. C'est ça, oui. On va vous faire le tour de la Terre, oui. Non, ils sont totalement bien. Ils jouent au carf, leur verre d'eau n'est pas tout renversé. Vous savez, ils ne tiennent pas de même, ils tiennent ordinaire. Ben, l'eau se met en boule de toute façon crassée. Bon. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que toutes les lois planétaires, à l'instant où on s'éloigne un petit peu, deviennent fausses. Tout est détraqué. En réalité, traqué. Ici, c'est détraqué. Est-ce que ça veut dire aussi que dans l'astral, quand on voyage dans un rêve ou dans un voyage astral, c'est aussi faux? Ben, c'est pas aussi faux, c'est presque plus faux. Mais on va revenir à notre avenir. Je veux juste que vous compreniez bien qu'il y a beaucoup de lois qu'on applique ici qui sont réelles et qui sont convenables, mais qui deviennent une farce totale le moindrement qu'on veut changer un petit peu de point de vue. Et donc, on peut considérer, par exemple, que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est vrai que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est relatif, ça dépend des points de vue. Mais quand vous vous placez chez vous, il se lève toujours à la même place, il se couche toujours à la même place, bien, c'est facile de concevoir qu'il tourne autour de la Terre. À un moment donné, parce qu'on expand un peu notre conscience, si on veut expliquer d'autres mécaniques, on devra maintenant expliquer que la Terre tourne autour du Soleil. Lequel des deux est vrai, l'astrophysique s'entend pour dire, on s'en fout. Que la Terre soit là puis que tout l'univers gravite autour, ça aura le même effet que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour d'un centre de notre galaxie, puis que celui-ci tourne autour d'un centre universel. Ou bien tout tourne autour de la Terre, ou nous tournons autour, ben ça on s'en fout. Sauf que ça va expliquer plus facilement des mécaniques si on considère que la Terre est en translation autour du Soleil. Donc, il faut faire attention. Quand on parle du temps, on parle de l'avenir, on peut donc dire, écoute, demain matin, on se donne un rendez-vous. C'est aujourd'hui qu'on le fixe. Vous allez vous rendre compte que le aujourd'hui va rester. Jamais on ne va dans le temps. Vous n'arriverez jamais à demain. Observez quelle heure il est. Et observez demain et observez dans un an. Vous pouvez rester là, être conscient, rester conscient, puis observer que ça fait 5 minutes sur le cadran. Mais vous êtes resté là. Il faut bien qu'on comprenne ce que je veux expliquer. Il n'y a pas eu... Il y a un déplacement de quelque chose sur quelque chose. Exactement comme si le temps, c'est une trame, puis que vous, dans l'instantanéité, vous bougez. Et là, on va dire, oui, mais si je bouge, il y a un temps de départ, un temps d'arrivée. C'est pas ça. Là, c'est parce qu'on a un cerveau tridimensionnel, puis on essaie de comprendre en fonction de parallélisme, là, d'un exemple planétaire. Mais vous, dans votre conscience, vous restez là en maudit. Vous n'allez pas à demain. Mais vous voyez le soleil qui s'en va, les choses bougent. Mais si vous êtes conscient, vivant, vous allez découvrir quelque chose de particulier qui se passe. Comme s'il y avait un mouvement qui vous échappe, puis un mouvement qui est vous. Puis les deux se côtoient. On est demain par rapport à aujourd'hui, toujours par référence. On regarde, oui. on se prend des points de référence comme le temps, comme une horloge ou des aiguilles qui se déplacent en se disant ben, « demain, ça sera demain ». Mais quand on est demain, on est aujourd'hui, demain. C'est exactement. On peut faire un parallèle entre Montréal-Québec. J'approche de Québec, oui. Mais même si tu n'es pas proche de Québec, Québec est toujours là. Le temps, c'est la même chose. Demain est toujours là, mais on n'est pas là. Parce que si on reste lucide, quand on va à Québec, là, on reste lucide, tout se promène, tout bouge. On reste lucide dans maudit, le temps, tout se promène. Tu arrives à Québec. Québec a toujours été là. Parce que des corps physiques qui bougent, c'est pas le même événement. Mais ça, on va laisser faire ces petits détails, parce que je fais un parallèle entre le temps et la matière, c'est déjà assez compliqué. Ce que vous devez comprendre, donc, c'est qu'il y a plusieurs villes. L'avenir est constitué de myriades de futurs possibles. Il y en a un maudit paquet. Et il y a vous. Je parle d'individu. Et l'individu, le vous, est-il dans un autobus, dans un train, sur un paquebot, volontairement, involontairement, est-il assujetti à un trajet, hein, à un vecteur de déplacement d'une conscience collective? Chaque personne, on est tous sur un bateau, disons. Alors, ici, des personnes qui se disent, écoute, moi j'ai un barbite, je m'en vais par là. Vas-y, par là. Tant que le pont t'autorise à aller par là, tu peux aller par là. Ce que tu sais pas, c'est que la masse du bateau, elle, c'est par là qu'elle va. Et tout le monde va par là. Alors, on aurait, par exemple, des individus qui font partie de la secte des vers la proue. Alors, eux, ils se dirigent vers la proue. Ils font un pied par jour, ils vont vers la proue. Oui, mais le bateau s'en va par là, ben ils vont par là aussi. Il y en a, eux, c'est la secte vers la poupe. Vers tribord, vers bâbord, vers le haut, vers le bas. Un étage par jour, une marche par jour, un pied à la fois. Alors, tout le monde va dans des directions séparées. Ce qu'ils savent pas, ils sont dans un vecteur de conscience collective, ils sont sur un bateau, puis le bateau va par là-bas. Il est déprimé dans la cale. Ouais. Ça. Au fer et à l'eau. Les optimistes en haut du mât. Non, les pessimistes en haut du mât, ils veulent voir la terre, eux autres. Parce qu'il peut terre! C'est pas là qu'on va, c'est par là-bas. Prochaine terre. Alors, on doit comprendre l'idée. C'est qu'à un moment donné, la majorité des humains vont tous avoir l'impression qu'ils dirigent une partie d'un plan, alors qu'ils sont même pas encore foutus de savoir sur quel vecteur ils se déplacent, eux. Nous pouvons prétendre à l'écologie, mais si notre bateau s'en va vers un incendie de pétrole sur l'océan, bien qu'on fasse le ménage du bateau, on va vers une destruction. Mais si tu es totalement individuel dans ta conscience, est-ce que tu es en chaloupe à côté du paquebot ou si tu es dans le paquebot quand même? Une chose qui est évidente et certaine, c'est que si tu es totalement individuel dans ta conscience, probablement qu'à un moment donné, tu vas prendre une chaloupe. Là, tu vas dire, écoutez, comme c'est arrivé à un moment donné, vous savez, il y a une cloche qui s'est mise à sonner, puis on a averti tout le monde, puis on leur a dit, on coule. Alors, tout le monde à bord des embarcations de sauvetage. C'était sur le Titanic. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, écoute, je suis pas habillé pour aller dans l'embarcation de sauvetage. On savait qu'il ne pouvait pas couler. Tout le monde avait vanté qu'il était insubmersible. Mais c'est parce qu'on a mal prononcé, il n'était pas insubmersible, c'était insubmersible. Tu sais, c'était insubmersible. Alors, il a fini, c'est bon. Et les gens n'ont pas voulu. Il y a une femme, entre autres, qui dit, ben écoute, j'amène mon chien. Fait qu'on lui a dit, non, pas de place pour le chien. Ben moi, j'embarque pas. C'était évident que ça coulait pas. Celui qui a une conscience collective, ben quand toute la collectivité décide que, lui, il y a une intuition, il y a quelque chose qui fait que, puis à un moment donné, ben il embarque d'une embarcation. Quand les bateaux ont rescapé les embarcations de sauvetage du Titanic, il y avait 3 personnes dans une, 7 dans l'autre. C'était vide. Et les gens collectifs, le bateau a commencé à pencher, hein, prenait de l'eau, puis il pleuvait. Alors, le vent était du côté du haut de la coque. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont tous été se mettre sous le vent, se protéger du vent. Fait qu'ils ont tous mis leur poids du bord où le bateau penchait. Bien, ça a coulé plus vite. Tu vas au vent. Mais les gens allaient sous le vent. Conscience collective. Voyons donc, ça coule pas. Puis là, tu te renseignes à quelqu'un. Penses-tu que ça peut couler? Ben non, voyons donc, c'est plein de cloisons, c'est ça. Il y avait plein de cloisons, effectivement. Les cloisons montaient pas jusqu'au pont en haut, ils montaient jusqu'au deuxième pont. Fait que l'eau inondait, traversait une cloison, traversait l'autre cloison, puis ça a coulé. Bon. La vie, l'avenir, c'est souvent la même chose. L'être humain qui développe une conscience collective, nécessairement, à un moment donné, se sentira seul en maudit. Parce qu'il y a des religions qui ont fait qui sont poupes, proues, hein, qui sont babards, tribords, qui sont morts, qui sont cales, puis lui, ben, il est tout seul dans un escalier ou tout seul sur le bord de la piscine, il n'y a plus personne. Là, il se dit, dans quelle secte je dois embarquer? Dans quel bord je dois aller? Et là, il y a un bonhomme ou une bonne femme qui passe par là. Tiens, un autre perdu comme moi. Et là, on dit, ça coule! Là, tu dis, qu'est-ce que je fais? T'as plus personne pour suivre? Tu prends le bateau puis tu t'en vas. Les individus doivent développer une conscience collective parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'éviter les pièges de l'avenir, c'est-à-dire d'éviter l'avenir. Qu'est-ce que c'est? Présentement, nous sommes sur un bateau et sur ce bateau, le bateau est tellement grand qu'il y a des piscines. Puis dans les piscines, il y a des petits voiliers. Alors, les gens sont sur leurs voiliers, sont plusieurs. Hein? Il y a des petits voiliers, disons, des catch, des slow, puis oh, une ou deux goélettes. Les traditionnalistes sont sur les goélettes. Bon, ça marche pas, ça demande plein de monde, des vieilles poulies, ça, je trouve, c'est un agrément fou, mais en tout cas. Alors, il y en a quelques-uns qui sont là-dessus, c'est des traditionnalistes invétérés. Et puis, ils se promènent dans la piscine, puis tout le monde pense savoir où ils vont. Ils veulent visiter telle place, telle chose, telle chose, telle chose, sauf que le bateau, lui, la planète Terre, elle va quelque part. Ce que l'être humain doit comprendre, donc, c'est de jouer avec l'avenir. Et qu'est-ce qui arrive avec l'avenir et le passé? Il se trouve que nous n'avons, techniquement parlant, du moins ou philosophiquement parlant ou théologiquement parlant, à peu près pas la capacité, semble-t-il, de changer notre passé. Alors, vous avez commis une connerie, tant pis pour vous. Culpabilisez-vous, repentez-vous, priez et espérez qu'un jour, on vous pardonnera, hein, disaient différentes religions. Alors, il y a des péchés vinels, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est pas un vin qu'ils vendent au... Bon, il y a des péchés mortels. Le péché mortel, ça veut dire que quand tu as fait telle ou telle connerie, alors que tu n'étais peut-être pas trop conscient de ce que tu faisais, ben, t'es fait. C'est un exemple pour que les autres ne fassent pas, c'est tout, t'es fait. C'est grâce à toi qu'on va sauver tous les autres. Mais toi, poubelle. Pourquoi on a cette idée qu'on ne peut pas changer le passé? On a même appris, ou en tout cas de certaines façons, qu'on se réincarne pour amener les karmas des vies antérieures, puis pas juste des vies actuelles, qu'on traîne le passé de réincarnation en réincarnation. Puis évidemment, ce qui se réincarne est présent là. C'est une mécanique d'instantanéité. Mais on se fait dire qu'on peut peut-être changer l'avenir. L'être humain bouffe le temps. L'être humain, c'est un résorbeur de temps. C'est sa fonction. Bon, je pense là-dessus, c'est des choses qu'on voit surtout au niveau des conférences ou des réservoirs séminaristes. C'est trop long sans ça. Mais n'empêche, l'être humain, apparemment, peut bouger l'avenir, ne peut rien changer dans le temps. Vos parents ont été des personnes qui ont été prostituées, hein, qui ont vendu de la drogue. Là, je fais référence, en tout cas, bon, je sais pas qui. Bon. Mais vos parents étaient, on va dire, X, Y, Z. Alors, vous portez leur péché. Disons que tu es un mulâtre. T'es un sang mêlé. Puis pour beaucoup de personnes, ben t'es rien. Mais qu'est-ce que tu as à foutre, toi, de tes parents? Ben c'est ça. Paye pour. Et dans votre jeunesse, vous avez fait des conneries. Vous avez été manipulé à faire ceci, à faire cela, puis on est mal pris avec ça. Et il faut qu'on comprenne une chose. C'est qu'il y a des avenirs, des futurs possibles. Et ces futurs-là, il y en a, on va dire qu'il y en a 5. Il y en a une infinité, donc il n'y a pas de chiffres. On va dire qu'il y en a 5. Et ce qui est important de comprendre ceci, c'est qu'on va parler, premièrement, de l'humanité. Après, on verra pour nous. Mais on n'a qu'à faire un parallèle sur la même chose. Alors, il y a 5 futurs pour l'humanité, 5, il y a 4 petits futurs, un majeur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a... Et là, je vais sauter des petites choses. Si vous pourrez poser des questions à la deuxième partie, de toute façon. Mais on va comprendre juste l'ensemble de ce que je vais expliquer, puis on va laisser faire les détails pour l'instant. Alors, il y a 5 futurs, dont un. Mais ce futur-là, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est une énergie qui existe actuellement et qui se nourrit de l'espoir de l'humain. Ça se nourrit de l'imagination anticipative de l'humain. Ça se nourrit de l'imagination dans l'avenir de l'humain. L'espoir, c'est toujours dans l'avenir. T'espères pas que Dieu va penser à toi hier. T'espères qu'il va penser à toi demain. Bon. Il y a des énergies actuellement qui se nourrissent, ce sont des énergies vampirisantes, qui se nourrissent uniquement et intimement de ce que l'humain pense. Et ça manipule donc la pensée de l'humain. Ça se nourrit aussi de ce que l'humain va vivre en termes d'espoir. Mais ces choses-là vont devenir les futurs possibles de l'humain. Et ce sont ces choses-là qui ont tendance à s'incarner chez l'humain. Quand je dis que l'humain réincarne de l'avenir, c'est souvent ça. Et ces choses-là, elles ont un besoin vital. Ce sont des choses qui sont identiques aux égrégores, donc aux structures théologiques, à nos égaux, aux âmes, à tout ce qui, égrégorement parlant, constitue le monde de la mort, le ciel. Ces futurs-là, ces énergies-là, on va appeler ça, disons, ces monstres-là, hein, ces bébites-là. Ces bébites-là, ce qu'elles sont, eux, c'est qu'elles sont quelque part et elles ne peuvent pas, elles sont dépendantes de l'espoir placé chez l'homme, des peurs, de l'espoir, de tout ce qui fait partie de l'avenir, même des prophéties, donc, placé chez l'homme pour être alimenté, pour être animé énergétiquement. Mais elles ont une fonction, disons un but, on va dire un but, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire un but, c'est d'être capable un jour de s'incarner dans la chair de l'homme, et là, elles pourront réellement vivre. Okay. Donc, ces futurs possibles aspirent l'humain vers eux pour pouvoir habiter l'humain et exister. Exister dans la matière. Présentement, elle existe dans la pensée, elle existe dans l'énergie, elle existe dans l'astral, dans le monde de la mort. On va dire, pour l'humanité, 5 futurs possibles. Ces 5 futurs possibles se font donc la guerre. Présentement, ils se battent pour l'humain. Se battant pour l'humain, ils vont venir investir dans la tête de l'humain. Chacun va venir, dépendant de comment on est structuré, de comment on est bâti. Il y a un avenir qui vient vous ramasser et qui vous fait voir un monde de paix. Il y a un avenir qui vient vous ramasser et qui vous fait voir un monde d'horreur. Il y a un avenir qui vous ramasse, qui vous fait voir un monde où on devrait détruire tous ceux qui sont pas blancs, par exemple. Ou tous ceux qui sont pas musulmans, ou tous ceux qui sont pas chrétiens. Il y a un avenir qui vous ramasse, lui vous fait voir un voyage en vaisseau extraterrestre. Et ces futurs-là se battent pour l'humain. Mais quel est leur cheval de bataille? La mémoire. Le passé, c'est leur cheval de bataille. Et c'est ça qui est dangereux. Pourtant, ils sont dans l'avenir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent dans votre conscience, dans la conscience collective, dans la conscience planétaire. On va prendre un exemple, les Iroquois, les Mohawks. À un moment donné, eux aussi, ils sont reliés, mais là, c'est plus petit que l'humanité, mais c'est la même chose. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il y a un futur possible. Qu'est-ce que c'est le futur possible? C'est un futur qui a besoin des guerriers. Un futur qui a besoin d'un peuple qui va... Ils ont eu une vision de liberté, de libération, de contrôle. Alors, on leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que subitement se réveille chez eux. Écoute, on était là avant vous autres. Nous, nous avons ceci, nous avons fait cela. Vous, vous avez pollué, vous avez tout détruit. Nous sommes un peuple de paix. Nous voulons, vous les Européens, nous autres, là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que subitement, il y a une partie d'un futur possible amérindien qui est descendu dans la conscience et qui, à travers les individus, progressivement, a créé un passé. Un passé qui n'a pas nécessairement été réel. Un passé amérindien qui, progressivement, devient acceptable par les Amérindiens. Un passé qui finit par faire dire à certains jeunes et à certains autres un peu plus âgés que c'est ça, la réalité. Alors, à un moment donné, certains découvrent qu'ils se sont fait avoir par les Blancs comme ça. C'était écœurant. Alors que les Blancs vont dire, écoute, c'est pas ça du tout. Oui, c'est ça. Puis tout le monde aura des preuves. Parce que les preuves sont des preuves dans le présent actuel, puis elles sont créées en même le présent par l'humain. Alors, progressivement, il arrive donc, c'est un exemple que je donne, qui est l'exemple de l'humanité, c'est qu'à un moment donné, il y a un avenir particulier, on va dire l'avenir apocalyptique. Un avenir de guerre. La Troisième Guerre mondiale. Oui. La punition totale de l'humain qui n'a pas été atteinte, pour plein de raisons. Cet avenir-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il descend dans la conscience de la majorité des humains et il va venir inventer un passé particulier. Et ça, ça se fait depuis très longtemps. Il vient inventer, structurer un passé particulier qui va culpabiliser, assujettir les humains en fonction que les humains se disent « Écoute, moi, je suis né pour me battre, puis je vais me battre. » Pourquoi t'es né pour te battre? Tu sais, moi, je suis né pour un petit pain. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, ça fait que la mémoire qui a besoin de toi est venue de te nourrir de petits pains pour que tu souffres, et là, tu vas extrapoler dans l'avenir ton chemin. C'est exactement comme quand vous en allez vers Québec. Vous savez pas ce que c'est, Québec. Vous arrivez dans une intersection, il y a 5 chemins qui partent devant vous. Il y en a 5 qui partent derrière vous, vous allez, on va dire. Et là, vous dites, c'est où pour aller à Québec? Qu'est-ce que l'humain fait dans l'avenir, dans le présent, dans son histoire d'évolution, dans son temps? Ben, regarde en arrière, puis il se dit, crime, je viens de là. Si je viens de là, ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut suivre. Il fait une extrapolation. Puis il continue. Il n'y a jamais eu plus de 35 années sans qu'il y ait eu de guerre mondiale. On est rendu à près de 60 ans. Ben, il était qu'on en fasse une, tu sais? Bon, c'est évident. Toutes les prophéties, ce sont des descentes. On a parlé un peu la semaine dernière, quand on a parlé des problèmes de Michel de Notre-Dame. C'est de l'information qu'on amène à l'humain pour que l'humain vienne te créer des choses. Les prophéties sont souvent des espèces de structuration archangélique, c'est-à-dire ça s'adresse uniquement au troupeau, au mouton, hein, au brebis, au mouton, quelque chose, pour les amener vers quelque chose. Quand on parle donc des pièges de l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit l'avenir que vous attendez, cet avenir-là ne sera de toute façon pas celui que vous allez connaître. C'est un des premiers pièges, c'est de penser qu'on va vers un avenir qu'on a vu. Pourquoi? Parce que vous avez vu que vous en alliez à tribord, mais on est un bateau qui, lui, s'en va là-bas. Le Nazaréen, même Jean de Patmos, disait que les choses vont arriver comme l'humain s'en attend pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est investi dans notre conscience, tout ce que l'on peut penser, bref, tout ce à quoi on s'attend, fait partie des manipulations pour nous amener quelque part. Mais le quelque part, c'est part. Cochon, souvent. C'est pas ce qu'on nous fait voir. Donc, premier piège de l'avenir, c'est que ce que l'on s'attend, ce que l'on espère, ce que l'on croit, c'est une carotte placée en avant. Ça nous mène pas là où on veut aller. Premier piège. Le deuxième piège de l'avenir, c'est quand on va penser qu'à un moment donné, on est dans un toboggan, puis on descend une pente, puis on n'a pas le choix. Bien, effectivement, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de libre arbitre. Mais effectivement, on a un mot du choix parce qu'on a de la conscience. On ne peut pas, disons que progressivement, il y a une guerre qui s'installe entre les musulmans, par exemple, qui ont une soif énergétique de faire une guerre sainte, et l'Amérique, en l'occurrence l'Antéchrist, pour eux. Ben, s'il y a une guerre qui arrive, on va se dire, écoute, on n'a pas le choix. Puis souvent, c'est ce qu'on va dire, collectivement, on n'a pas le choix. Le choix collectif, on ne l'a pas. Le choix individuel, on l'a. Et quand je parle de choix individuel, on va pouvoir aller, si on comprend l'idée, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que ça peut sembler pratiquement. L'être humain qui comprend cette mécanique, il va se dire à un moment donné, écoute, moi, tu sais, qui je suis, moi, pour quand on dit qui je suis, on fait souvent référence à qui j'étais. Donc, au mensonge mémoriel placé chez nous. Alors, la première chose que l'humain peut faire pour éviter les pièges de l'avenir, ça va être de commencer par changer son passé. Mais ça va aider son ego. C'est le futur qui aligne le passé et non pas l'inverse. Le futur aligne. Le futur, c'est lui justement qui aligne le passé, puis alors que l'humain pense que l'avenir est déterminé à partir du passé. Puis c'est l'inverse. L'avenir se détermine d'elle-même, puis elle va déterminer le passé chez l'humain dans sa conscience pour que l'humain suive un chemin qui l'amène vers l'avenir. Et comment on peut le changer, ça? Si on pense pas que c'est la bonne direction, mais encore faut-il avoir conscience de quelle est la direction, puis si on s'en va vers un précipice ou pas. Bon, l'humain doit accepter certaines choses qui semblent bizarres. Ça fait partie des paradoxes de l'évolution. J'ai déjà parlé de l'attente active. Il y a des humains qui se trouvent en mouvement. Ils travaillent, travaillent, travaillent, se cassent la gueule, ils perdent. Après ça, oh, de temps en temps, oh, j'ai quand même réussi quelque chose. Oh, oui, c'est sûr. Mais va voir ceux qui n'ont jamais rien poussé. Tout le monde réussit quelque chose, finalement. Bon. Alors, il y en a qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, mais ils n'ont pas passé pour son pas. Puis, il y en a qui font rien, qui font rien, qui font rien, qui font rien, qui font rien non plus. La problématique qui arrive, c'est que il y a des individus qui peuvent être placés juste sur la ligne. C'est-à-dire que l'attente active, qu'est-ce que c'est? C'est une décision, un choix. C'est une espèce d'entraînement. Voici qu'est-ce que vous allez devoir faire. Le bon vecteur, le bon chemin... On va le représenter par un train. Le train, il voyage à 35 km à l'heure. Il y a plein de voies ferrées qui se coupent, vous ne savez pas sur laquelle va venir le train. Alors, vous vous asseyez, puis vous attendez. Ça, c'est l'attente. La tente passée, elle est dangereuse. Parce que quand le train va se pointer 35 km à l'heure, le temps que vous décolliez, que vous partez à courir pour le rattraper, vous allez le manquer. Alors, on doit faire une forme d'attente active. Mais celui qui est uniquement actif, lui, il est déjà moins pire que celui qui fait rien. Lui, il se met à courir. Il court à 20, 25, 30 km à l'heure, peut-être 35 s'il est bon coureur. Il prend un chemin et il court dessus. Il y a bien des chances qu'il s'éloigne de la bonne voie. Puis en plus, il y a des chances qu'il s'en aille contre le train qui vient. Puis il y a une chance sur toutes les voies qu'il court dans le bon sens. C'est que le train va le rattraper lentement. Ça va paraître long parce qu'il s'éloigne. Mais quand le train va arriver à son niveau, il n'aura pas grand-chose à faire pour monter dedans. Il est déjà mieux celui qui fait quelque chose que celui qui décide de s'écraser puis de dire « Oh, pas le choix, on va rien à faire. Bon. » Et il y a la tente active. Tu peux courir longtemps dans tous les sens avant de tomber dans la tente active, absolument, tu cours rien dans le sens. La tente active, qu'est-ce que c'est? C'est courir en rond. Tu es toujours dans le même périmètre, tu es toujours sur place, toujours en mouvement. Alors, quand le train va se pointer, tu auras déjà un élan, puis tu seras toujours au niveau du carrefour, donc tu pourras voir. Puis quand le train va se pointer, ben, tu auras juste, vu que tu es déjà en élan, tu pourras facilement le rattraper, monter dessus, tu auras le temps d'embarquer dans le wagon. Mais tu tournes en rond, là. C'est ce qui va arriver. Ça donne l'impression de tourner en rond. Celui qui est dans l'attente active est celui qui est le mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, et quand on parle encore une fois de non-libre arbitre et de liberté de conscience, voici ce que vous devez comprendre. Vous voulez cesser de fumer. Et vous vous dites, j'arrête aujourd'hui. Puis là, vous ne pouvez pas. Ça ne fonctionne pas. L'homme, la femme, l'enfant n'ont pas de libre arbitre. Alors, vous allez quand même fumer. Alors, vous vous dites à un moment donné, je veux fumer pour être en meilleure santé. Puis là, vous arrivez à ne pas fumer. Vous vous attachez, vous vous stressez, vous vous démolissez la santé autrement que par la cigarette, mais vous ne fumez pas. Tu n'as pas plus de libre arbitre, tu seras malade. Bon. L'individu va dire, bon, alors oui, mais on peut faire quoi? On peut faire quoi, demain? On peut intelligencer les choses. Et l'intelligenciation est extrêmement importante si on veut comprendre la mécanique pour améliorer les choses dans l'avenir. L'intelligenciation, ça va être, maudit que c'est niaiseux de fumer. Là, l'ego dit, ouais, mais si tu fumes, c'est parce que t'es niaiseux. Non, si je fume, c'est parce qu'il y a un colocataire dans mon corps physique, je ne suis pas le maître contrôleur chez moi, puis c'est lui qui est le cave. C'est le corps, l'astral, le vital, le physique. Bon, l'ego. Alors, je fume, mais je ne veux pas fumer. Et que c'est con. Et que c'est complètement con. Et puis quand tu as fini de fumer, tu te dis, hé, que c'est débile. Puis vous souriez, hein? Vous installez dans mon astral, vous souriez. Bon. Puis là, vous continuez à marcher. Et là, la personne va dire, ouais, mais écoute, j'ai pas arrêté de fumer pour autant. Non, t'es manipulé à fumer. Chaque fois que tu fumes, chaque fois qu'on parle des problèmes de la cigarette, faut pas qu'on te frustre. C'est la cigarette t'irrite déjà le système respiratoire, faut pas non plus que tu te sentes irrité parce qu'on te dit qu'il faudrait que tu cesses de fumer. T'sais. Mais là, ce qui va arriver, c'est que progressivement, vous allez... C'est comme si vous étiez... Votre ego est lisse, puis l'intelligence, votre conscience, vous, quand vous venez pour la tourner, là, ça glisse dessus. Alors, à la longue, à force de trouver que c'est con, consciemment, vous faites des petites éraflures sur l'ego. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que... Et que c'est con, maudit. Puis là, vous n'en souffrez plus autant. Non, là, l'intelligence, vous, hein, vous avez maintenant la capacité de bouger l'ego. L'ego fonctionnera encore par manipulation. Mais ayant reprogrammé votre structure de manipulation, le programme, quand on pèse sur la lettre T, il apparaît un A à l'écran. C'est pas le choix. Alors, quand on a reprogrammé la structure de l'ordinateur, maintenant, quand on pèse sur le T, il apparaît un T. T'as pas le choix. Mais là, par contre, toute la structure humaine manipulée, toute la structure planétaire manipulée, devient maintenant non plus manipulable par la mémoire de la conscience collective, mais elle devient manipulable par l'instantanéité de la conscience individuelle, par l'individu. C'est de l'auto-manipulation? Oui. Alors, on aura reprogrammé le programmeur, le manipulateur, on aura reprogrammé l'ego progressivement. Et ça, c'est vitalement important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui change les choses. Ce n'est pas ce que vous faites. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est faux. Mais c'était ce qui pouvait le mieux être dit voilà quelques milliers d'années. Pourquoi? Parce que l'illusion, l'image, la forme est extrêmement importante. Mais nous avons évolué depuis le temps. Et nous avons appris à camoufler, à jouer la forme. Alors, par la suite, un autre dicton est apparu, ça a été « l'habit ne fait pas le moine ». Alors qu'à l'époque, oui. Aujourd'hui, on ne peut plus reconnaître l'arbre par ses fruits. On ne peut pas reconnaître votre évolution par votre corps physique, par votre maladie, votre santé, votre portefeuille. On ne peut pas. De ce fait, si l'ego continue toujours à se dire « écoute, si je serais si évolué, je devrais être », on n'a plus de temps du tout. Là, on veut juste jouer à l'évoluer. Et là, on perd de l'énergie, on perd du temps, puis on se dirige vers un avenir qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas écologique. Quand je dis qu'il n'est pas le nôtre, ce n'est pas l'avenir qui va vous permettre, vous, en tant que conscience et en tant qu'intelligence, d'être exprimable à 100% à l'extérieur. Le cadre ne le permettra pas. Ce n'est pas donc votre avenir. Je ne dis pas que votre avenir est le même que le mien. Votre avenir, c'est le vôtre, mais ce n'est pas l'avenir de la collectivité. Et là, notre avenir serait différent de celui de la collectivité? Totalement, mais totalement, ça veut dire quoi? Donc, moi, je commence par conscientiser les choses. T'sais, je vais me dire que telle chose n'est pas correcte. Je fais telle chose, c'est stupide. Je mange encore trop de sucre, je mange encore trop mal. On s'en fout du corps physique. Il meurt, il revient, il meurt, il revient. C'est pas ça qui est important. C'est que plus vous allez permettre à votre intelligence de s'exprimer chez vous, plus vous allez vous diriger vers un avenir qui attire de l'intelligence. Donc, un avenir d'intelligence. Ce que ça veut dire que vous mangiez mal, mais sachez que vous mangez mal, sentez-vous pas mal de manger mal. Là, vous allez vers un avenir où on culpabilise, où on punit, où on flagelle. L'avenir de martyr. Pas besoin de ça. Mais vous mangez mal, sachez que ce n'est pas correct. Sachez-le lucidement, plaisamment, consciemment. Je bois de l'eau, puis disons que ça serait quelque chose qui n'est pas vendable, qu'on retrouve dans toutes les bouteilles, sur toutes les étagères. Tu sais, je me dis à un moment donné, comment qu'un gars peut vendre du coke à des enfants? Je parle pas de la coke, je parle du coke. Pepsi, ces trucs-là, ça, c'est humain, c'est humain. Tu sais, c'est la seule explication, c'est humain. Parce que c'est pas logique, c'est pas intelligent, c'est pas écologique, c'est humain, c'est humain. Bon. Là, on boit, disons, notre verre de coke. Puis on aime ça. Le corps aime ça, l'ego aime ça, tout aime ça. Puis en même temps, on sait tout ce qu'il y a là-dedans. On n'en boit pas. On en boit quand même. Tout ce que vous devez faire, c'est pas vous maudire, pas vous haïr. On doit en boire en se disant que c'est con, que c'est con, que c'est con. Et vous devez répéter que c'est con. Et puis, à un moment donné, progressivement, vous ne pourrez plus en boire. Est-ce que ça change le passé ou ça change l'avenir? C'est ça. Qui, lui, ça va changer le passé? Ça va changer bien les choses. Ça va changer ce que nous sommes. Changeant ce que nous sommes, nous pourrons changer ce que nous avons été. La mémoire illusoire, la farce, style de la mémoire. Vous êtes qui? Descendant d'une famille huppée, riche, une famille aristocratique, une famille qui avait son mot à dire, ou d'une famille bâtarde qui a nourri l'humanité, ou de... Mais ça, on n'a rien à faire. Qui réincarnez-vous? C'est pas important. Ça a une importance dans certains rares cas. Mais c'est le temps de commencer à s'amuser. Faites comme si vous l'étiez et vous le deviendrez. Ah, c'est vraiment maudit. C'est encore vrai. Profitez-en. Vous dites, oui, mais tu sais, je peux quand même pas me leurrer. Moi, j'ai beau me dire que je suis le descendant d'un grand monarque du passé. Mais mes parents, c'est, si je regarde mon arbre généalogique, c'était des mercenaires, puis c'était des truands, puis c'était... Eh oui, c'est des pirates. Il y a beaucoup de pirates, vous savez, qui étaient engagés par la reine ou par le roi. On leur donnait des lettres. Hein? Et ils avaient l'autorisation, en tant que pirates, de pirater les bateaux ennemis. Alors, peut-être que vous étiez un bon pirate. C'est pas du positivisme, c'est de se faire un passé plus beau que celui qu'on pense qu'on a eu? C'est pas du positivisme, c'est de l'illusionnisme. Et là, la personne va dire, ben oui, mais d'abord, c'est de l'illusion, c'est faux. Oui. Comme quand vous pensez avoir été quelqu'un, là, vous êtes sûr que c'est ça, là, c'est de l'illusionniste aussi. Moi, ce que je dis, c'est que tant qu'à être dans le mensonge cosmique, prenons un mensonge intéressant. Tant qu'à être dans le tout croche, c'est comme à un moment donné, on va se dire, oui, vous avez fait telle connerie, là, j'espère que vous vous en repentez. Toute l'humanité était là pour que je la fasse, la connerie. J'espère qu'eux autres s'en repentent. Moi, je suis bien là-dedans. Puis, oui, mais est-ce que tu le recommencerais? Si je suis manipulé à le faire, oui. La question, c'est pas est-ce que tu le recommencerais. Est-ce que tu trouves ça intelligent? Et là, peut-être tu vas dire non, totalement stupide. Demande à un violeur, vas-tu recommencer à violer? Écoute, je le sais pas, c'est plus fort que moi. Es-tu content d'avoir violé? Et souvent, ils vont répondre non. Ça, c'est l'intelligence de l'humain. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la femme. C'est ça qu'on a cultivé. Peut-être qu'on garde en prison quand même. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui est dedans est facilement accrochable par des manipulations qui vont le faire forcer à violer. Culpabilise pas le bonhomme ou la bonne femme qui est pognée dans le corps physique qui est manipulé. Tu l'éduques, tu le nourris, tu l'énergises. Alors donc, on doit comprendre que pour changer le passé, on peut le faire, effectivement, et ce n'est pas... Il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, celle qui est la plus intéressante, partez à zéro. D'accord? Abandonne le passé. Tes parents, ils ont fourni le corps. Bon. Le corps est là. Oui, mais ma mère, moi, était ceci, mon père était... Abandonne. OK? Part à zéro. Part de maintenant. L'individu qui part de maintenant a beaucoup plus de chances d'aller vers son avenir, donc d'être centré sur lui. Je pars de maintenant. Et à partir de maintenant, je peux aussi décider de recevoir de l'énergie mémorielle, donc de réincarner des personnalités de l'avenir ou du passé. Mais c'est pas le passé maintenant, on le sait. Alors, ça va être, je veux être de plus en plus quelqu'un capable de me tenir devant le vent humain. Je veux être quelqu'un capable, devenir quelqu'un qui va être capable de parler aux autres et de rester moi-même devant leur vent astral, c'est-à-dire quand quelqu'un m'engueule, quand quelqu'un me traite de con. T'sais, maudit qu'il est épais! Tant mieux! Plus on est épais, plus on est armé, plus on est correct. Moi, je reste moi-même, plus j'ai rien à faire. Si je décide d'être cela, eh bien, je vais essayer de me faire un personnage. Je me déguise pas. Je le deviens. Alors, à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, les épaules tout croches, tu te fous mal assis. Redresse-toi un peu quand tu parles à quelqu'un. Ta colonne vertébrale est mieux placée, l'énergie va mieux circuler et l'onde de forme que tu dégages va impressionner l'ego de l'autre. Et l'onde de retour va te nourrir. Tu vas devenir l'arbre droit. Parce qu'au début, tu as décidé que c'est une technique. Est-ce qu'il faut les abandonner au fur et à mesure, les différents passés? Parce que le passé que je pourrais me faire aujourd'hui pour aller vers un futur possible, dans deux semaines, disons que le temps existe, dans deux semaines, dans je peux vouloir le changer. Oui, dans le contexte planétaire, c'est bon de continuer à dire que le temps existe en comprenant qu'on joue avec une illusion. Mais je peux vouloir le changer de façon perpétuelle, ce passé-là? L'ajuster en fonction d'une direction? Si vous êtes aujourd'hui extrêmement intelligent, extrêmement brillant, je ne parle pas de réussir à l'école, là. Hein, je parle de comprendre des choses. Vous avez un potentiel extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous empêche de l'exploiter toute votre vie et toute la vie de vos ancêtres? Si vous seriez né dans une famille qui ont toujours eu des personnes, dans la famille des Kennedy, par exemple, ben vous auriez pu vous développer. C'est ça. Mais vous n'êtes pas né dans cette famille-là. Puis là, ce qui va arriver, c'est que toute notre peau familiale, toutes nos réincarnations, toute notre peau réincarnationnelle nous attache un ancre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le vecteur qui nous dirige vers un avenir qu'on veut peut-être pas aller. On prend l'exemple. Pendant longtemps, hein, en Irlande, les Écossais et les Irlandais, ils se détestaient. Ils entre familles, c'était la guerre à coups de fusil. Pourquoi? T'as d'où t'es comme ça? Moi, c'est bonne raison. C'est ça. Non seulement les ancêtres s'incarnent dedans, les nouveaux, donc, ils saillissent toujours, mais en plus, ce qui va arriver, prenons les jeunes à un moment donné, on leur dit, écoute, c'est pas vrai du tout. Je sais pas ce que vous racontez là, mais vos familles, là, v'là 200 ans, ils se battaient pas. Ils cultivaient ensemble. Oh! Change le passé! Puis tu vas voir que l'avenir va changer en maudit. Alors, ben, quand ça va être cru, quand il y en a les plus jeunes, là, on leur montre ça, on les éduque là-dedans. Quand on parle de la Chine, de l'Union soviétique, des pays, d'un paquet de pays comme ça, puis on l'a eu au Canada aussi. Hein, à l'époque, on apprenait là, que les mauvais Indiens, ils massacraient nos bons missionnaires, là. On nous montrait être racistes. Qu'est-ce qu'on faisait? On nous enseignait un passé faux. Si on le croit, on embarque dans un avenir qui n'est pas le nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand le Cambodge, là, quand les Khmers rouges ont réussi à battre les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les écoles de réforme pour tout le monde. Si vous êtes trop âgé, on vous élimine ou on vous rend esclave, les jeunes des écoles de réforme, qu'est-ce qu'on fait? On leur montre l'histoire. Puis quand on leur a donné la vraie version d'histoire, celle des Khmers, ben là, maintenant, ils haïssent tous les ennemis de la patrie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité. On l'a même fait dans les histoires bibliques où on vous a conté une histoire du passé avec la chute de l'homme, Adam et Ève et tout le tralala. Et on l'a fait dans toutes les religions. Individuellement, on doit avoir chacun notre passé ou faut pas créer un passé collectif non plus? Tu peux décider de l'embarcation majeure dans laquelle tu vas aller. Mais ce que l'humain devrait faire normalement, ça serait commencer par lui. Quelle couche il met. Bon. Et puis progressivement, tu vas découvrir que toi, tu fais maintenant partie de la vision embarcation de sauvetage. Puis quand tu approches l'embarcation, tu te rends compte qu'il y a deux, trois individus qui arrivent aussi. Là, faut pas que tu tombes dans l'un des pièges de l'évolution. Ah, on est 4-5? Ah, c'est encore collectif? Ah, je m'en vais ailleurs. Parce que là, tu vas peut-être faire partie des milliers de personnes qui font partie de la gang de ceux qui vont ailleurs. Uniquement parce qu'ils veulent, tu sais, la collectivité des individuels. Donc, à un moment donné, effectivement, tu approches l'embarcation, tu rencontres d'autres individus, associe-toi. C'est le temps, là, de s'associer. Parce que l'avenir de chacun est le même, similairement le même. On fait une petite pause temporelle de 15 minutes. Si vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, Charles va les poser. À tout à l'heure.